flamme de sa bouche empoisonnée, de sa beauté de jeune femme, elle a fait mouche d'un seul baiser. Je ne suis pourtant pas poète, moi le marrant, l'analphabète, mais je percerai ma lâcheté pour un de ces foutus baisers. Je suis un rat de cire coincé dans un anneau, je prie pour qu'elle désire qu'il soit autour de sa peau, qu'il sache nous unir au mariage de nos âmes, de sa belle étincelle et de la mèche de ma flamme. Je ne suis pas un homme de lettres, j'aimerais juste pouvoir l'être quelques instants sous son balcon pour lui redonner son prénom. De vers et d'herbes qui s'enchaînent à l'envers, l'envers de moi-même, je visiterai tous les tombeaux pour voir le nez de Cyrano. Je suis un rat de cire coincé dans un anneau, et je prie pour qu'elle désire qu'il soit autour de sa peau, qu'il sache nous unir au mariage de nos âmes, de sa belle étincelle et de la mèche de ma flamme. J'ai fouillé toutes les foules pour voir le nez de Cyrano. Je l'ai confondu, comme j'étais saoul, avec un autre, Pinocchio. Quand j'ai compris qu'il s'agissait de mon reflet le plus banal, j'ai permis à cette scène de s'ouvrir à mon âme. Travailler à tel voyage auquel on pense dans la lune, sans souci de gloire ou de fortune, et modeste d'ailleurs, se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des herbes et même des feuilles, si c'est dans ton jardin que tu les cueilles. Mon petit, sois satisfait des fleurs, des herbes, même des feuilles, c'est dans ton jardin que tu les cueilles. Mon petit, sois satisfait des fleurs, des herbes, même des feuilles, si c'est dans ton jardin que tu les cueilles. Mon petit, sois satisfait des fleurs, des herbes, même des feuilles, si c'est dans ton jardin que tu les cueilles. Mon petit, sois satisfait des fleurs, des herbes, et même des feuilles, si c'est dans ton jardin que tu les cueilles. J'étais un rat de cire coincé dans un anneau, je ne faisais que mentir pour ressembler à Cyrano. J'ai fini par choisir la plus noble des armes, c'est d'être ma propre étincelle, la seule source de ma flamme.